Tant qu'il y a un pays qui est en train de détourner ou bien un bloc, les populations ne vont pas se laisser faire. Et ce n'est pas gratuit que les gens se sont soulevés. Il y a des prix à payer, même aujourd'hui du côté du Burkina. Il y a beaucoup de blessés. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire au peuple burkinabé, c'est un droit absolu. Il faut continuer les manifestations, il faut vraiment continuer. J'ai dit à mon frère, ne sors pas d'assez d'être solide, d'être costaud, nous avons passé par là. Je sais de quoi je parle. Nous avons passé par là, dans tous les pays où vous avez les valets occidentaux, quand vous commencez à vous soulever, je vous dis, vous allez connaître beaucoup de choses. Je connais pas mal d'amis, nous avons enregistré beaucoup de blessés de notre côté, mais aujourd'hui, le Mali est en tout cas libéré de la France est dépassée. C'est de cela aussi qu'il s'agit. Afrique Média, le monde, c'est nous.